Stephen King aime les Philip Morris, Stephen King aime les pigeons, Stephen King aime les lutins démoniaques, Stephen King a écrit Desintox Inc. et La Corniche, et Lewis Teague les a adaptés. À toutes et toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, comme d'habitude. Salut! Comment vas-tu? Écoute, ça va. Quoi de nouveau depuis le dernier enregistrement, qui n'est pas si vieux que ça, hein, ceci dit? Ah oui, qui date que de il y a deux semaines, quelque chose comme ça? Ouais, pour le bazar de l'épouvante. Ouais, pour une fois, on n'a pas enregistré deux épisodes d'un coup la dernière fois. Oui, on n'en avait qu'un seul à enregistrer. Ceci dit, c'est pas plus mal. D'un long hiatus. Voilà, c'est pas plus mal parce que si on avait dû enchaîner l'épisode sur le fléau et l'épisode sur le bazar de l'épouvante, on avait 7 heures d'enregistrement d'affilée, quoi. Ah oui, on aurait eu mal quand même. Ouais. C'est vrai que le dernier épisode a été long, il a fallu du temps pour s'en remettre. Ouais. Les deux derniers épisodes font 6 heures à eux deux quand même. Hein. Le bazar de l'épouvante est donc le plus long épisode pour l'instant. Ouais. Du vidéo voilà, il reste Rock. Aucun. Le seul qui pourrait dépasser, c'est Dôme quand on s'y attaquera. Oui. Ce qui devra bien venir un jour, mais. Fatalement, ça finira par arriver. Dans des conditions spéciales. Hein. Comme je disais, oui, j'ai refait le point sur le chapeau en rajoutant des trucs retrouvés depuis. En fait, ce que j'ai le plus rajouté, à part une adaptation récente que j'avais pas mise, celle de Salem. C'est des épisodes de séries anthologiques qui ont adapté King. Donc il y a celui que tu m'avais envoyé d'ailleurs, celui de Creepshow, la version animée. Oui, le spécial animation. Ouais. Il y a des vieux trucs aussi sur lesquels j'ai mis la main et qui n'étaient pas encore dans le chapeau. Mais ce qui fait qu'actuellement, il reste donc 21 papiers dedans. Et il y en a qui vont se rajouter parce que ne serait-ce que The Monkey sort très bientôt là. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a The Monkey qui va arriver. Il y a eu une nouvelle adaptation là, qui a été annoncée il n'y a pas longtemps, d'une nouvelle. Ouais, de la nouvelle Le Mauvais Rêve de... j'ai oublié le nom du bonhomme, mais c'est une nouvelle du dernier recueil. Voilà, qui sort bientôt chez nous, si j'ai bien compris, en France. Oh non, pour le coup, ça s'est pas encore commencé, donc ça va prendre le temps. Hein. Non, le recueil, je parle. Ah, le recueil, oui. C'est... oui, effectivement, vu que je l'ai lu il y a un moment. Danny Coughlan, je crois, le Mauvais Rêve de Danny Coughlan. Et oui, le recueil sort bientôt, c'est Plus noir que noir, le titre français. Disons que on a encore facilement pour une année de Vidéoclub et après on verra bien, quoi. Ouais, je pense même un peu plus, en réalité, le temps de... vu qu'il y a les trucs à rajouter. Il y a la saison 3 de Monsieur Mercedes, hein, qui n'est pas dans le chapeau, vu qu'on n'a pas fait encore la 2. Oui, c'est vrai. Et comme je disais, Dôme n'y est pas, parce que Dôme, j'ai pas envie de le prendre par hasard, étant donné que c'est 3 saisons à regarder. Castle Rock aussi, tu l'as pas vu ? Castle Rock n'y est pas non plus. Ça aussi, il faudra voir dans quelles conditions on le fait. Donc ouais, il nous reste du boulot, ça c'est certain. Voilà, bah, c'est tout ce qu'il y a niveau actualité. Sinon, il n'y a rien de bien nouveau en 2 semaines. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. Ouah, c'est... on ne peut pas avoir des nouvelles toutes les semaines. On ne va pas avoir une adaptation par semaine. Ce sera un peu trop peut-être quand même. Oui, au bout d'un moment, surtout vu la qualité de certaines adaptations, je pense que ça finirait mal pour nous. Ouais, c'est ça. Je suis en train de les rentrer petit à petit sur Letterboxd dès la 30e place. Moi, je suis déjà seulement à 2,5 étoiles. Hein. Et on a classé 96 trucs. La vache. Ça fait peur. Hein. Ouais. Je mettrai les liens. Il y a assez de trucs maintenant sur mon Letterboxd pour que je le partage, je pense. Très bien, bah on va y aller. Dans ce cas-là. Bah, allons-y. Nous avons... une nouvelle à adapter. En fait, Cat's Eye est un film à sketch, pour expliquer, qui adapte deux nouvelles, Desintox Inc. et La Corniche. Desintox Inc., on en avait déjà parlé dans notre épisode sur No Smoking, le film d'Anurag Kashyap. Donc je vous renvoie à celui-ci pour savoir ce qu'on en pense. Et nous allons parler de La Corniche. C'est parti. « La Corniche nous raconte l'histoire d'un joueur de tennis qui a une aventure avec une femme mariée à un gros baron de la pègre. Et ce baron de la pègre réussit à plus ou moins l'enlever alors qu'il prévoyait de fuir avec la femme et lui propose un défi en lui disant « J'ai mis de la drogue dans votre voiture, si la police intervient, vous serez enfermé pendant 40 ans et vous reverrez jamais ma femme, mais je retire la drogue si vous montez sur la corniche de mon appartement, il habite un immeuble très élevé, et que vous faites l'intégralité du tour de l'immeuble en revenant vivant. » Et donc, c'est ce défi que va relever l'homme, parce qu'il n'a pas vraiment le choix. C'est une nouvelle qui est publiée pour la première fois en juillet 76 dans le magazine Penthouse, avant d'être recueillie 2 ans plus tard, en 78, dans le recueil Danse Macabre. A priori, c'est un hommage à une nouvelle qui s'appelle Contents of the Dead Man's Pocket de Jack Finney, une nouvelle de 1956, qui raconte l'histoire d'un publiciste qui doit monter sur une corniche similaire, même si dans la nouvelle de Finney, en fait, il y monte volontairement, c'est parce qu'il a un document important qui s'est envolé à cause du vent et qui a atterri sur la corniche. D'accord. Mais donc, a priori, ce serait la source d'inspiration de cette nouvelle. Et Wikipédia m'a rappelé, je suis allé vérifier, en effet c'est très similaire, que dans le 7e numéro de V pour Vendetta, le comics, il y a une petite histoire bonus très très similaire, où un homme doit marcher sur la corniche s'il veut survivre après avoir été reconnu comme complice de Vendetta. Oui, c'est exact, oui. C'est tout court, ça fait 5 pages en bonus du chapitre 7, et si vous avez une édition reliée de V pour Vendetta, c'est dedans. Vous pouvez aller revérifier. Donc, est-ce que Alan Moore était lecteur de King? Je ne sais pas. Aucune ancienne, vous pouvez toujours lire V pour Vendetta, c'est quand même très bien. Oui, même sans oui. Ça. C'est surtout très beau visuellement, en plus. Oui. Mais sur la nouvelle, vu qu'elle est toute courte et dans un recueil, j'en ai pas grand-chose de plus à dire, donc on va tout de suite pouvoir passer à nos avis. Et je t'écoute. Eh ben écoute, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle toute courte, vu qu'elle ne fait que une vingtaine de pages, voire un tout petit peu plus. C'est une nouvelle très appréciable, très agréable, pardon, à lire, qui se lit bien, qui est vraiment bien tenue, qui est divisée en deux vraies parties. La première qui pose le décor avec le dialogue entre Norris et le mafieux, du coup, pour lui expliquer, pour planter vraiment le décor auprès du lecteur. Et la seconde, qui est le fameux passage où il doit relever le défi de marcher le long de la corniche. Ça se tient bien, vraiment c'est très agréable à lire, la fin est très chouette, on en reviendra quand on en parlera plus en profondeur, mais la fin est très très chouette. Et puis voilà, je vais pas non plus m'étendre encore plus vu que, comme dit, c'est une très très courte nouvelle, je te laisse me donner ton avis. Oui, je suis assez d'accord. Je la mettrais un peu en parallèle avec No Smoking, Desintoxing, c'est l'autre nouvelle adaptée, parce que je trouve que les deux ont un peu un humour noir assez présent, beaucoup plus dans Desintoxing, mais ça y est quand même un peu dans celle-ci. Oui, c'est vrai. Effectivement, la première partie pose bien le décor, ça pose bien les personnages, très vite ça fait un mafieux très très cliché évidemment, mais tout de suite détestable, donc ça marche. Et la traversée de la corniche, je la trouve globalement plutôt efficace. Oui, clairement. Donc oui, c'est une nouvelle très bien menée et où il n'y a vraiment pas de gras parce qu'elle fait 20 pages. Oui, c'est ça. Il n'y a vraiment rien à acheter, quoi. On va à l'essentiel et c'est tout. C'était souvent le cas de ces nouvelles des débuts. Il a eu tendance à les faire plus longues après. Oui. Et du coup, c'est une nouvelle bien plus orientée polar, thriller que horrifique. Oui, finalement, il n'y a même pas vraiment d'éléments horrifiques. À moins que, oui, si, un peu, ça joue un peu sur le vertige, mais c'est plus un code du thriller, je pense, vraiment. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, on peut entrer un peu dans les détails. J'aime beaucoup cet affrontement entre Norris et, finalement, c'est vraiment l'homme contre la nature, tout simplement, le vent contre les éléments, c'était ça le terme que je cherchais. C'est le vent, le froid, il manque juste la pluie, ça aurait mis encore plus de bâtons dans les roues, mais également le côté animalier, parce qu'il y a tout un moment où il se fait emmerder par un pigeon qui lui picore allègrement la cheville, vu qu'il rôde près du nid familial, de l'immonde rat volant, comme on les appelle. Oui, et qu'il est sur son territoire. J'aime bien la manière dont ça parle du vent. Effectivement, notamment le vent, je trouve, est très très bien retranscrit avec l'idée que les bourrasques sont fortes de base et qu'elles peuvent être encore plus fortes de l'autre côté. Ça joue un peu sur la peur qu'elles deviennent plus fortes parce que le mafieux le dit à un moment. Oui. Ah, des fois, elles sont particulièrement violentes dans le coin. Donc je trouve ça vraiment bien. Ça en fait vibrer l'immeuble, il dit. Effectivement, à chaque fois qu'il change de côté, le principal défi, le principal problème, c'est les vents qui changent et le fait qu'il soit pris entre deux courants différents. Et ça, c'est bien retranscrit. C'est faire en sorte de ne pas être pris par une grosse bourrasque. Il y a un moment, en fait, il attend vraiment de longues minutes au tournant. Il attend d'aller vers la prochaine face de l'immeuble. Et on nous fait comprendre qu'il attend vraiment pendant de très très longues minutes et qu'à un moment, bah tant pis, il y va. Et il s'imagine que en fait le vent travaille pour le mafieux. Il y a pas mal cette idée-là qu'il attend régulièrement que la traversée de la corniche, mais à un moment il surveille l'heure d'ailleurs parce qu'il y a une banque avec un affichage géant de l'heure et de la température aussi. Oui. À croire vraiment que tout l'environnement se ligue contre lui pour lui rappeler que c'est difficile, qu'il perd du temps et qu'il fait froid. Et qu'il y a des pigeons dégueulasses. Et qu'il y a des pigeons dégueulasses, effectivement. Et à un moment où il trouve un moment de salut, quand il est de l'autre côté de l'immeuble où il a commencé, et que bah, du coup, t'as le balcon de l'appartement, de l'autre appartement, parce qu'on comprend que l'étage à laquelle il se trouve ne comprend que deux appartements, donc celui du mafieux et l'autre. Un petit moment de pause qui est bienvenu. Ouais, et où même il hésite à rentrer dans l'appartement d'en face en trichant, mais il se rend compte que c'est pas possible. Et ça, ça revient à la fin, justement. Cette oui. Idée qu'il y a moyen de tricher. Parce que justement, on peut en venir à la fin, parce que comme c'est une nouvelle courte, on va pas s'attarder trop. Donc il réussit son défi, il réussit à revenir dans l'appartement du mafieux. Ouais. Mais le mafieux triche, en réalité. Il dit qu'il ne triche pas, mais c'est qu'il joue sur les mots. Parce que sa femme, il l'a déjà fait tuer. Mmh. Et effectivement, il donne l'argent au protagoniste, mais voilà, il n'aura jamais sa femme. Voilà, il lui donne l'argent et sa liberté. Il s'est vengé tout de même. Mais voilà, il a quand même eu sa vengeance. Là, le protagoniste réussit à désarmer l'homme de main du mafieux. Ouais. Et puis finalement, il trouve que ça serait très très drôle de lui aussi proposer un défi. Et finalement, pourquoi pas proposer le même. C'est ça, donc c'est un peu l'arroseur arrosé, la fin. Et le protagoniste attend longtemps dans l'appartement en se disant « Je vais aller voir dans l'appartement en face, et moi de toute façon, j'ai jamais dit que je ne tricherai pas, même s'il revient, je le tuerai. » Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi qu'il en soit, l'autre va finir par mourir. C'est-à-dire que la nouvelle s'arrête sur ça. On ne sait pas si le mafieux réussit à faire le tour de l'immeuble. La certitude, c'est, quoi qu'il arrive, s'il le trouve dans l'appartement voisin, ou dès qu'il le voit franchir l'autre bout de la corniche, bah il tire. Parce que lui, il aime bien aussi les paris, mais lui, par contre, il a jamais dit que c'était pas un tricheur. Oui. C'est sur ça que se termine la nouvelle. Oui, bah, de toute façon, là, il impose ça au mafieux juste par cruauté, hein, juste par vengeance. Oui, voilà. Mais oui, du coup, c'est une vraie fin assez classique de Polar, mais qui fonctionne très bien. Fonctionne très très bien, effectivement. À noter effectivement que c'est une bonne idée d'avoir fait du protagoniste un sportif pour justifier qu'il soit aussi résistant et qu'il arrive à marcher aussi longtemps sur la corniche. Oui, et ça justifie même le fait qu'il arrive à désarmer facilement l'homme de main, parce qu'il dit qu'il a beau avoir les jambes épuisées, en tant que tennisman, bah, il a quand même de la puissance dans les bras. Et vu qu'il les a quasiment pas utilisés lors de son défi, bah fatalement, il a encore une bonne poigne suffisante pour désarmer l'autre. Effectivement, c'est pas une nouvelle qu'on pouvait trop faire avec un monsieur tout le monde. D'ailleurs, le mafieux le dit qu'il l'a déjà proposé à des gens ordinaires et qu'ils ont tous refusé. Oui, et qu'au final, il les faisait travailler pour lui. C'est une méthode d'embauche un peu particulière. Oui, c'est vrai que bon, je pense pas que France Travail propose ce genre de choses. Oh, tu sais, avec les réformes récentes... Pour avoir tes 15 heures de RSA, ça va peut-être pas tarder. Fais le tour du bâtiment à cloche-pied, s'il te plaît. Ouais, c'est le tour de la CAF à cloche-pied. Du coup, tout le monde va s'inscrire à des CAF qui sont au rez-de-chaussée. Quitte à devoir faire le long de la corniche, bon bah si tu tombes et que t'es qu'à 1 mètre, ça va. Ouais. D'ailleurs, à un moment, le personnage se fait cette réflexion. Il se dit que c'est le genre de défi qu'il aurait pu réaliser les doigts dans le nez si la corniche se trouvait à 1 mètre du sol. Donc, bah, autant s'imaginer que ce soit le cas. Ouais, bah oui, parce que c'est vrai que l'angoisse joue énormément. Vient de la hauteur. Ouais. La peur vient de la hauteur, parce que tu sais très bien que bah, là, si tu tombes, bah, c'est foutu pour toi, quoi. Voilà, sur la nouvelle, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va avoir à dire. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Alors, nous allons passer au film. C'est parti. Stephen King, your favorite novelist and master of modern horror, has written his first motion picture screenplay. It combines all the elements of his creative imagination. Lovable pets. Classic cars. Quiet evenings. Favorite films. Kill the son of it. Good idea. Adorable kids. Help me! It's after me! And of course, a monster or two. Experience a series of electrifying adventures as seen through Stephen King's Cat's Eye. Le film Cat's Eye est une nouvelle production d'Ino De Laurentiis, à l'époque un familier des adaptations de King. C'est lui qui avait produit avant Dead Zone, dont on a déjà parlé, et Charlie, dont on n'a pas encore parlé, toujours pas. C'est vrai. Le deuxième, Charlie, n'avait eu qu'un succès relativement modéré, mais il est fort probable que le travail sur Cat's Eye avait déjà commencé au moment de la sortie, puisque Charlie, ça sort mi-84. Et en 85, il y a également Peur Bleue qui sort, qu'on a également abordé. Malheureusement, oui. Ouais. Ça fait partie des premiers numéros, d'ailleurs, il me semble. C'est assez tôt, Peur Bleue, je sais plus le combienième c'est, mais ouais, c'est assez tôt. De Laurentiis propose cette fois-ci à King d'écrire lui-même un film et il demande aussi à ce qu'il y ait un rôle pour Drew Barrymore, parce que du coup il l'avait eu dans son studio à l'occasion de Charlie et Drew Barrymore était vraiment une enfant star à l'époque, et c'est comme ça que King a l'idée du troisième segment, The Cat ou General. Et il ajoute ensuite d'autres segments pour faire un film à sketch, qui sont donc adaptés de ses propres nouvelles, toutes les deux tirées de Danse Macabre, en même temps c'était le seul recueil publié à l'époque. Il y a un autre producteur cité, c'est Milton Subotsky, on en avait déjà parlé en fait, parce que suite à des histoires de droit, il fallait son accord pour pouvoir exploiter les nouvelles de Danse Macabre. On en avait parlé à l'occasion de l'épisode sur Vengeance Diabolique, parce que justement, en fait, De Laurentiis, au début, prévoyait d'aussi adapter Court Jimmy Court, la nouvelle qui a donné Vengeance Diabolique, mais il finit par se dire que celle-ci, elle mérite un film à part entière, et qui ne sortira donc que pas mal d'années plus tard, parce que c'est en 91, finalement, Vengeance Diabolique. De Laurentiis demande à King de connecter les histoires via le chat, une idée que l'auteur trouve étrange mais qu'il exécute, mais qui sonne d'autant plus étrange dans le film terminé parce que les distributeurs, donc c'est la MGM / United Artists, vont imposer la coupe d'un prologue au cours duquel on comprenait les motivations du chat. En fait, il devait y avoir en prologue une scène d'enterrement d'une petite fille qui était la précédente propriétaire du chat et qui a été tuée elle aussi par le lutin que le chat affrontera dans le dernier segment. Donc ça aurait expliqué pourquoi le personnage de Drew Barrymore peut l'appeler par son chiningue pour qu'il vienne la sauver. D'accord. Mais a priori, bah, peut-être que le fait d'avoir un enfant mort dès le début d'un film qui s'adresse quand même à un public relativement jeune a fait dire au distributeur que ce serait pas top. Bon, après, je trouve que c'est quand même assez compréhensible même comme ça. Hein. Oui, ça m'a pas démesurément gêné. Le ton est beaucoup plus léger que sur pas mal d'autres films estampillés King, que ce soit à l'époque ou même encore aujourd'hui, parce que le but c'était d'avoir un PG-13 et d'attirer un public relativement jeune. La réalisation est proposée à Levi Stig parce qu'il venait de faire Cujo, que King avait beaucoup apprécié et qui avait été un joli petit succès au box-office. Et nous allons passer au casting. Donc dans le rôle de la petite fille Amanda, nous avons Drew Barrymore, qui avait accédé au succès très jeune grâce à E.T. de Steven Spielberg. qui est devenu son parrain ensuite, et qui tourne beaucoup dans les années qui suivent. Mais bah, on la retient surtout, hélas, parce que c'est un des nombreux cas d'enfants stars exploités qui sombrent dans pas mal d'excès et de dépendance très très jeunes, à force d'être plongée toute gamine dans un milieu comme Hollywood. Visiblement, ces frasques entre guillemets enfantines étaient connues amusaient plutôt beaucoup. Elle devient dépendante à l'alcool à 9 ans, donc a priori vers le tournage de Kasai, ça commençait. Ah vache. Ouais. Puis au cannabis et à la cocaïne. Bon, bah voilà, en légalisant le cannabis, mais peut-être pas à 10 ans. Oui, voilà. Et d'ailleurs, après Katsai, en fait, sa carrière va beaucoup ralentir pendant quelques années. Elle va faire des cures de désintox, mais au moins, on peut dire que c'est une histoire qui finit relativement bien, Drew Barrymore, parce qu'elle arrive à se sortir de ses problèmes de dépendance et elle a de nouveau une carrière, une vie qui a l'air plutôt d'aller maintenant. On peut mentionner dans ses rôles plus récents que j'aime bien, bah, Scream, évidemment, même si elle a qu'un petit rôle. Un duplex pour trois, qui est un film que j'aime beaucoup. Oui, qui est très sympa, effectivement. C'est celui où le couple est emmerdé par une petite vieille, c'est ça ? Oui, c'est ça. bah, c'est un peu Tati Daniel. C'est un peu une adaptation de Tati Daniel. Hein. Je me demande si c'est pas assumé, d'ailleurs. Mais oui, c'est très rigolo. Avec Ben Stiller dans le rôle du mari. Elle ne joue pas vraiment dedans. Enfin, si, mais un petit rôle. Mais Bliss est un film qu'elle a réalisé et c'est vachement bien. Ouais. Avec Elliot Page, c'est un très chouette film. Ouais, sur le roller derby. Ouais, c'est ça. A priori, comme tout est lié, en 2021, elle a fait un caméo dans son propre rôle dans un film appelé Un château pour Noël, réalisé par Marie Lambert. Ouais. Voilà. Ou la série Santa Clarita's Diet, mais elle est surtout occupée par un show, par un talk show maintenant qui s'appelle The Drew Barrymore Show. Le titre a été choisi judicieusement. Effectivement. Dans No Smoking, le personnage principal, Dick, est joué par James Wood, qui avait joué quelques années avant dans l'excellent Vidéodrome. C'est l'acteur principal dans Vidéodrome de Cronenberg. Il est aussi dans Il était une fois en Amérique. Plus tard, il sera dans Casino au Virgin Suicides. Et il fait aussi des voix. Par exemple, c'est lui en VO qui double Hadès dans Hercule, ou le méchant faucon dans Stuart Little 2. Mais bon, c'est des films que j'ai vus qu'en VF, donc j'ai pas pu voir. D'accord. Et James Wood, c'est un énorme facho qui publie plein de saloperies sur ses réseaux sociaux en soutenant par exemple le génocide en Palestine. Mais c'est aussi la preuve que le karma existe puisque sa maison a brûlé dans les incendies de Los Angeles. Bravo les incendies. Ah oui, enfin bon. Quoi, c'est bon, pour une fois qu'on peut se réjouir d'une catastrophe climatique, on prend ce qu'on peut, hein. Oui, petite pensée à tous les innocents, par contre, bien entendu. Oui, ça va. Non, mais oui, c'est dramatique, cette histoire-là, écologiquement, surtout. Le docteur Vinny, qui est l'antagoniste principal de la partie Désintoxink, est joué par Alan King, qui a commencé en comédien humoriste sur la scène, à la radio, à la télé et boxeur, avant de finalement décider de se concentrer sur la comédie, mais apparemment, il a une vraie petite carrière de boxeur professionnel. D'accord. Il se diversifie ensuite, et lui aussi est dans Casino, d'ailleurs, et il est un des méchants dans Rush Hour 2, voilà. Ah. Moi, dans mon souvenir, c'est le Rush Hour que j'ai préféré sur les trois, au sens qu'il est juste pas bien. Ah oui, voilà, c'est ça. Putain, les flashbacks, là. Et tu sais que ça revient régulièrement, quand même, à la possibilité d'en faire un 4. Ouais, mais non, ça ira. Ouais. C'est un Rush Hour 3, quoi. Je pense que je l'ai vu au ciné. Ah, le 3, il est atroce. Ah là là, il est horrible. Ouais. Dans le deuxième segment, donc la corniche, Johnny Norris, le professeur de tennis, donc le protagoniste, est joué par Robert Hayes, qui joue le protagoniste de Y a-t-il un pilote dans l'avion et ses suites. En lisant sa biographie, j'ai appris qu'il existait une adaptation qui date de 86 en série télé de Starman, le film de Carpenter, et c'est lui qui joue le rôle principal dedans. Voilà. Ok. Il a doublé Iron Man dans la série Iron Man du milieu des années 90 et dans les autres séries Marvel de la même époque qui font apparaître Iron Man. Et dernièrement, en 2014, il a joué dans Sharknado 2, voilà. Waouh. C'est dire où en est sa carrière. Incroyable. L'antagoniste de la corniche, c'est Kressner, il est joué par Kenneth MacMillan, qui est le baron Harkonnen dans Dune, celui de David Lynch. Oui. Ce qui prouve que De Laurentiis, vraiment, une fois qu'il tient un acteur, il le lâche pas. Hein. Ah oui, il le lâche jamais. Je suis sûr qu'ils étaient emprisonnés quelque part dans les studios et qu'ils ne pouvaient sortir qu'une fois qu'ils avaient fait un certain nombre de films. Là, je pense que s'ils les voyaient tourner pour quelqu'un d'autre, ils kidnappaient leur femme pour les électrocuter. Au bout de la seconde fois, c'était leur fille. Il a aussi un petit rôle dans Les Vampires de Salem, celui de Tobe Hooper, mais je ne l'avais pas mentionné. Et grâce à lui, je me souviens qu'il existe un remake américain par Francis Weber lui-même, des compères. Ça s'appelle Les Trois Fugitifs et il joue un petit rôle dedans. Voilà. Waouh. La mère d'Amanda, donc la mère du personnage de Drew Barrymore, et elle s'appelle Sally Ann, mais je crois que son nom n'est jamais dit dans le film. Elle est jouée par Candy Clark, qui, assez jeune, avait joué dans American Graffiti. C'est elle qui joue le rôle féminin principal dans L'Homme qui venait d'ailleurs, le film de Nicolas Roeg avec David Bowie. D'accord. J'ai vu passer un truc qui s'appelle « C'est toujours oui quand elles disent non » et j'ai décidé de ne pas me renseigner. Voilà. Je m'épargne un peu. Ah oui. Ah oui, oui. Mets-toi alerte, là. Ouais, là, complètement. Ouh là là. C'est probablement produit... C'est probablement produit par Weinstein. Ah oui. Elle est aussi dans Épouvante sur New York, un film de Larry Cohen. Il a peut-être fait des bons films, hein, il paraît en tout cas. Et elle intervient, ça m'a semblé intéressant pour le coup, dans un documentaire réalisé par Delphine Searing, qui a l'air intéressant, qui s'appelle Sois belle et tais-toi, qui est en fait une série d'entretiens avec des actrices sur leurs relations avec les équipes techniques, les réalisateurs et leur place de femme dans le métier. Et je me dis que ça peut être assez intéressant parce que Delphine Seyrig a l'air de pas mal s'être penchée sur ce genre de sujet à partir d'un certain point de sa carrière. C'est vrai que le sujet peut être très intéressant, effectivement. Ouais. Et le père de Drew Barrymore, Hugh, est joué par James Naughton, qui lui a joué par exemple dans la série télé La Planète des Singes en 1974, et sinon il a fait pas mal de théâtre. Au cinéma, on peut mentionner qu'il est dans Les Oiseaux 2. Voilà. T'as on a envie de le voir. Je savais même pas qu'il y avait une suite, surtout. Non, moi non plus. Je pensais que la seule suite des oiseaux, c'était Birdemic. Une suite non officielle. Général, le chat est joué par 16 chats différents qui sont dressés par Carl Lewis Miller, qui s'occupait déjà des chiens de Cujo. Et bah, on avait déjà mentionné que les chiens étaient très bien dressés dans Cujo, et je trouve aussi... assez top le travail qu'il a fait avec les chats. Ouais, clairement. La photographie est de Jack Cardiff, qui est réalisateur de plusieurs films, mais il est surtout connu comme directeur de la photo parce qu'il est sur plusieurs gros films assez cultes et avec des effectivement très belles photographies comme Le Narcisse Noir, Les Chaussons Rouges, Les Amants du Capricorne d'Hitchcock, La Comtesse aux pieds nus, Le Vieux Mort sur le Nil. Bon, et puis après, des trucs un peu moins bien. Conan le Destructeur, Rambo 2... Mais où est donc passé mon poney? Mais bon, faut bien finir sa carrière quelque part. Hein. Mais où est donc passé mon poney? Ouais, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. On l'enverra à Tsum pour avoir un avis et ça on apprendra que c'est les chevaux portugais. Les effets spéciaux sont de Carlo Rambaldi, dont on a déjà parlé parce qu'il est aussi sur Peur Bleue. D'ailleurs, la même année que Katsai, il y a des années qui sont plus difficiles que l'autre, hein, a priori, quand même. Parce que sinon, il est dans Alien, il tire, on compte du troisième type, ou les frissons de l'angoisse. Ah oui, quand même. La musique, un nouveau gros nom s'ajoute au compositeur ayant travaillé sur des trucs liés à King, puisqu'elle est d'Alan Silvestri, qui était en début de carrière au cinéma. En fait, Alan Silvestri, il commence par travailler plusieurs années sur la série policière Chips, pour laquelle il compose la grande majorité des musiques. Sa carrière au cinéma, en fait, elle se lance l'année précédant Cat's Eye, en 84, puisqu'il fait la musique de deux films. Il y en a un, c'est À la poursuite du diamant vert, de Zemeckis, et l'autre, Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, de Philippe Clair. L'un des deux a eu un peu plus d'influence sur sa carrière que l'autre. Ah oui, effectivement. Il reste le compositeur de l'intégralité des Zemeckis, donc un paquet de super BO, mais il est aussi sur d'autres trucs, par exemple Predator 1 et 2, c'est lui... Abyss, j'ai beau pas aimer le film, c'est une super BO et c'est lui. Ah, oui. Le vol du navigateur, Mort ou vif. Alors il a fait une BO nulle pour Mission Impossible qui a été rejetée, il a été remplacé par Danny Elfman. Et tant qu'on est dans les BO rejetées d'Alan Silvestri, c'est lui qui devait composer celle de Pirates des Caraïbes à la base aussi. Ok. Parce qu'il a fait celle de La Souris pour Gore Verbinski. Mm. Et d'un autre Gore Verbinski, je crois que le Mexicain, c'est lui aussi. Avengers, une des quelques BO bien de Marvel. Bon, et après, il a beaucoup cachetonné aussi. Hein. C'est lui sur Arrête où ma mère va tirer, Mac and Me, Delta Force, Super Mario Bros. Huh. Ou Sidekick avec Chuck Norris aussi. Voilà. Ok. Faut bien gagner de l'argent. Tu comprends, travailler pour Robert Zemeckis, ça rapporte pas assez. C'est que des petits films. Oui, j'entends bien. Cat's Eye, c'est une relative déception commerciale. Alors, il fait des bénéfices, il rapporte 13 millions pour un budget de 7, mais c'est pas non plus génialissime. Je soupçonne que l'affiche originale a pas aidé. Hein. Je sais pas si tu as vu, mais elle est quand même très très moche. Ah non, attends, je vais aller voir ça. C'est une photo dégueulasse du chat avec une Drew Barrymore mal détourée à côté. Ah si, oui, je l'avais déjà vue, effectivement, elle est dégueulasse. Mais en réalité, ce résultat est assez représentatif des scores en demi-teinte de pas mal d'adaptations de King vers cette époque. Plus étonnant, par contre, le film n'est jamais sorti en France. C'est resté pendant un moment un film totalement ignoré, même en support physique. En fait, c'est très très récemment qu'il a eu le droit à une édition française. Mm. Il est pourtant pas mal accueilli par la critique. On lui reproche un scénario un peu faible, parfois, du moins pour certains segments, et on lui reproche des longueurs, mais l'interprétation et surtout la réalisation et les effets spéciaux sont plutôt loués. Le New York Times allant même jusqu'à en parler de la meilleure adaptation d'une œuvre de King au cinéma depuis Carrie. Bon, ils se sentent plus pissés quand même, le New York Times, oui. Hein, sur ce coup-là. N'abusons pas non plus. Ouais. Actuellement, il a 2,6 étoiles sur Allociné, ce qui le place à égalité avec Cimetière, Le Cobaye, Peur Bleue, La Cadillac de Dolan, Le Carrie de 2013 et Le Croque-Mitaine. Et il a 68% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, soit 21e à égalité avec Ça, Il est revenu, Entre Christine et Vengeance diabolique. King garde un très bon souvenir de ce film, il est heureux en fait d'avoir pu s'impliquer pas mal dessus au scénario et apparemment il était pas mal présent en général, et a priori en fait c'est en fait ce film qui lui a donné envie de passer lui-même à la réalisation, ce qu'il fera 2 ans plus tard, toujours avec Dino De Laurentiis, sur Maximum Overdrive. Ah, bon, du coup on va revoir Cat's Eye à la baisse alors. C'est vrai qu'il n'a pas forcément eu que des bons résultats. On peut noter quelques petites références d'ailleurs à King en général, surtout au début il y a une voiture Christine dedans. Oui, bah il y a Cujo. Il y a Cujo, littéralement. Il y a un moment, un personnage regarde Dead Zone. Ouais, et demande qui est Chris Navet. Voilà. Et la mère dans le dernier segment lit Cimetière aussi. Ouais. Donc voilà, les petites références comme on en a régulièrement. Mais c'est vrai que Cujo et Christine, ça arrive au même moment quand tu te dis « Putain, Tig, il a mis tout ce qu'il a pu à ce moment-là, quoi. » Ouais. Bah, Cujo, je pense que c'est une idée de King, pour le coup. C'est... En plus, ça fait le parallèle, vu que c'est aussi Tig qui avait réalisé Cujo. Oui, et puis ça paraît logique de, comme menace pour poursuivre un chat, tu fous un gros chien, quoi. Ouais. Ah bah, moi, de toute façon, du moment que c'est le chien la menace, ça me va, hein. Bon, Licia, il faut y aller maintenant. Tu as ses chaussures, son certificat d'adoption, mais tu rentres tout de suite. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Il y avait un de vos hommes dans mon placard cette nuit, dans ma maison. Vraiment? Oui, vraiment. Ma foi, c'est fort possible. Nous garantissons une surveillance constante pendant tout le premier mois. Et croyez-moi, sur ce point aussi, on satisfait nos clients. Vous êtes un sale bonhomme. Sale bonhomme peut-être, mais il en faut pour vaincre le vice. Voilà pourquoi les mous, les faibles, les versatiles viennent voir les sales bons hommes comme nous et ils en ont pour leur argent. Pour ça, faites-moi confiance. Je n'ai pas refumé. J'ignore ce que votre sbire a dit, mais je n'ai pas refumé. Si vous aviez allumé cette cigarette, vous ne seriez pas tranquillement ici, mais dans mon bureau à regarder sautiller votre merveilleuse épouse. Mais vous l'aimez, votre femme, votre fille aussi. De nos jours, c'est désuet, mais ça vous sera utile. Je pense que vous réussirez. Quoi qu'il en soit, n'ayez aucune crainte, on vous a à l'œil. Nous allons pouvoir passer à nos avis, et je t'écoute. Si je te dis le chiffre 5, à quoi ça te fait penser? Le chiffre 5, c'est ouais. Une note sur Letterboxd? Non, c'est le nombre de vidéoclubs qu'on a abordé avant de reparler d'un bon film. Voilà. Attends, je revérifie. Ah oui, le dernier bon truc, le dernier bon qu'on a abordé, c'était le Grand Bazar final. Et donc ça fait 6 épisodes maintenant. Ah ouais, effectivement. Et c'était pas non plus le truc le plus dingue de l'univers, le grand bazar. Non, non plus. Final. Mais voilà, ça fait du coup autant d'épisodes qu'on enchaîne de la merde, quoi. Ouais. Donc, autant dire que ça fait plaisir de voir Cat's Eyes. Parce que, eh ben, c'est pas extraordinaire, attention, hein. C'est pas l'une des meilleures adaptations de King depuis Carrie, faut pas s'enflammer la bite. Mais c'est vraiment une... C'est vraiment une série B très agréable à suivre, qui se regarde bien, qui est plutôt bien filmée, dont les effets visuels sont loin d'être dégueulasses, qui a une bonne direction en termes de casting, qui a même un bon travail en termes de lumière, et ça, mine de rien, sur les dernières adaptations qu'on a vues, bah c'était vraiment pas une panacée, hein. Non, vraiment, j'ai passé un bon moment devant Cat's Eyes. Voilà pour mon premier avis rapide. Un peu pareil, c'est un bon moment. Effectivement, il y a des segments que je préfère à d'autres. Je trouve que globalement, le deuxième est le plus solide des trois. Mm-hmm. Mais dans les trois cas, c'est bien réalisé. Il y a des chouettes effets. C'est plutôt drôle. En effet, ça joue surtout sur la dimension humoristique avec une certaine légèreté. Oui. Ça peut être vu relativement jeune, pas trop trop petit non plus, parce que c'est un peu de l'humour noir quand même. Mais ça peut être vu par des préados, quoi. Oui, mais à partir de 12 ans, je dirais, ça passe. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plutôt une bonne interprétation, le casting fait le taf, donc oui, c'est une adaptation qui marche tout à fait. Et en effet, ça fait plaisir de revoir un peu quelque chose de qualité. Voilà, c'est ça. Donc, bon, on va aborder segment par segment, hein, fatalement, oui. Comme... Donc le premier segment qui adapte Désintox Inc., qui est vraiment cool, qui est pour le coup assez fidèle. Oui, bah les deux premiers segments sont vraiment fidèles. Hein. Oui, qui rajoute quelques petits passages un peu goofy, mais qui rendent très très bien, je pense notamment à cette séquence de la réception. Oui. Quand le personnage donc, a déjà signé son accord avec Désintox Inc. et se trouve à une réception, et donc vraiment autour de lui tout le monde fume et son ami lui propose une cigarette. Et lui-même va commencer à avoir des visions, et il va voir un tableau qui le suit du regard, et avec de la fumée de cigarette qui sort du nez, il va avoir des visions de son pote avec trois cigarettes dans la bouche, une dans chaque narine, une dans les oreilles, qui se met à rigoler de manière démoniaque en lui tendant son paquet. C'est vraiment très drôle, quoi. Il y a un type aussi en homme sandwich de pub de cigarettes dans le décor. Ah oui. Ouais, cette séquence est vraiment cool. Il y a vraiment pas mal de bonnes idées, je pense notamment aussi au serveur, là, qui rapporte... T'as le serveur a trois cigarettes dans la bouche, et en plus de ça, il tend son plateau, où dessus, donc, t'as de quoi grignoter, t'as des œufs avec de la mayonnaise, et en fait, tous les aliments sur son plateau forment un visage qui le suit du regard. C'est tellement à la fois rigolo et malsain. Et puis la pièce qui s'emplit lentement de fumée, ce qui est hélas probablement vrai dans ce genre de réception de l'époque. Hein. Oui, clairement. Avec le tabagisme passif, attention. Ouais. Attention les yeux. Enfin, attention les poumons surtout. Pareil, ça m'a fait rire le moment où il craque et où il refume une cigarette et qu'il se penche dans sa voiture et qu'on a un plan sur la voiture qui a l'air vide avec juste la fumée qui dépasse et sa main qui vient essayer de la balayer. Oui. C'est le moment d'ailleurs où il craque aussi dans la nouvelle. Le moment de l'embouteillage. Oui. Bah, c'est normal, c'est au moment de stress particulier qu'on est le plus sujet à craquer, j'imagine, dans ce genre de cas. Et être coincé dans un embouteillage, c'est jamais très agréable. Globalement, après, il a signé le contrat. Il n'a pas tellement eu le choix de signer le contrat. Dès le départ, dès qu'il est entré dans la salle d'attente, il était enfermé, en quelque sorte. Oui. À noter que les éléments un peu bizarres arrivent beaucoup plus tôt que dans la nouvelle, puisque là, dès qu'il est dans la salle d'attente, à un moment, t'as une porte qui s'ouvre, et donc t'as une femme qui sort, qui est complètement débraillée et qui est choquée par ce qui semble lui être arrivé, avec son mari qui arrive derrière pour la rassurer. On n'a pas du tout ça dans la nouvelle. Là, vraiment, dans l'adaptation, dès le début, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette entreprise. Oui, et il est beaucoup plus brutal rapidement aussi, le docteur. Oui. Même rien que quand il ferme ses volets, de manière à ce que, Dick ait la lumière bien dans les yeux, on sent qu'il est manipulateur. Ça vient très très tôt. Et il ferme la porte à clé aussi, très très tôt. Là aussi, l'une des grosses différences, c'est normal, c'est pour le bien du fil rouge, et pour nous relier au troisième segment, c'est que dans la nouvelle, l'expérience, enfin, il nous montre ce qu'il réserve aux gens qui rechutent, c'est-à-dire des petits chocs électriques. Là, il nous montre ça avec un lapin dans la nouvelle, alors que dans l'adaptation, c'est le fameux chat qu'on va suivre tout le long du film. et qui va raccorder les segments entre eux. Ouais, c'est ça, qui au début du film était poursuivi par un chien, qui réussissait à lui échapper et qui avait vu déjà, dans une poupée, Drew Barrymore l'appeler à l'aide et il s'était fait capturer à ce moment-là. Il se fait capturer par l'homme de main du coup du docteur, pas du gérant de Desintox Inc. Ouais, d'ailleurs on voit son évasion peu après l'électrocution pour pouvoir raccorder avec les segments suivants ensuite. Mm. Avec l'électrocution de la femme. Ouais. On voit aussi peut-être un peu plus justement la femme et la fille que dans la nouvelle. Notamment la fille, il y a une scène où il va la chercher à l'école. Et qui est plutôt... c'est plutôt bien pour montrer l'attachement qu'il a pour elle. Mais il va même pas la chercher, il lui rapporte juste un cadeau, une poupée. Je crois qu'il l'a... Il lui donne la poupée, après la... Les bonnes sœurs récupèrent l'enfant. Et ah oui, effectivement, ouais. Du coup, on comprend que c'est une enfant qui est dans une école spéciale, puisque l'enfant a un petit trouble mental, un petit retard mental, je sais pas trop comment dire ça, parce que c'est pas trop expliqué. C'est compliqué à dire, étant donné qu'on est en 84 et que les explications sur ce genre de truc, c'était un peu fait à la zob. Voilà. Et je trouve que même dans l'adaptation, on sent un peu plus l'amour qu'il a envers l'ensemble de sa famille que dans la nouvelle. Parce que justement, dans la nouvelle, à un moment, on comprend, il nous l'explique, et d'ailleurs le fait de ne plus fumer et Desintox Inc. lui redonne goût à la vie, dans la nouvelle, on le comprend, parce qu'à un moment, il a une interaction avec son fils, vu que c'est un fils qu'il a dans la nouvelle, qu'il l'embrasse, et il lui dit que là, il est moins dégoûté que d'habitude par ses baisers baveux et le contact qu'il a avec son enfant. Donc je trouve que le côté affectueux, père affectueux, est plus parlant dans l'adaptation de Tig que dans la nouvelle originale. Mais après, King joue sur le fait de justement reprendre goût à la vie dans la nouvelle originale, ce qui n'est pas présente là dans l'adaptation. Oui, au final, il a la motivation de l'amour pour sa famille beaucoup plus dans l'adaptation. La scène de nuit, justement, où il, la première nuit où il hésite à refumer, je trouve qu'elle marche bien niveau tension. Aussi un peu ridicule parce que le placard est tout petit. Oui. Elle est à la fois comique et un peu tendue comme scène. J'ai bien aimé. Bah du coup, il est dans son bureau pour expliquer, il passe une très mauvaise nuit, parce que c'est la première nuit où il a arrêté de fumer. Donc fatalement, c'est compliqué. En tant qu'ancien fumeur, je peux témoigner que c'est compliqué. Il se lève, il va dans son bureau, alors c'était pas mon cas, mais beaucoup de fumeurs ont des planques un petit peu partout, tu sais, où ils foutent des clopes pour le cas où, tu vois. Ouais. Et donc, dans son bureau, il y a un tiroir, où dedans, il reste un paquet avec quelques clopes. Il est prêt à se l'allumer, et genre... Vraiment, il guette autour de lui parce qu'il se souvient de l'avertissement du dirigeant de Desintox Inc. comme quoi il va être observé H24, quoi. Et genre, il entend un bruit au niveau du placard. Et ça met vraiment en place, effectivement, une grosse scène de tension à ce moment-là qui est vraiment bien menée, avec une bonne ambiance, encore une fois, un bon travail sur la lumière. Et moi, j'aime beaucoup le moment où vraiment, il ouvre la porte du placard, il fait un petit saut en arrière avec armé de son parapluie, genre ultra menaçant. C'est vraiment rigolo. Et puis au bout d'un moment, il a l'impression qu'il n'y a rien, donc il balance le parapluie dans le placard, et là on entend un et c'est là que tu comprends qu'en fait il y a vraiment un mec, quoi. Et qu'après il dit qu'il est juste venu récupérer ses clubs de golf, et du coup quand le jour se lève, tu vois qu'il a ramené le sac de golf dans son lit. Sa femme qui se réveille avec le truc à côté. Ce que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est vraiment la rupture de ton brutale, parce que il est vraiment sous tension. Il se dit, il y a quelqu'un. Il sait pas, et en fait, au moment où il comprend qu'il y a vraiment quelqu'un, bah, il est en mode « Oh, bah, je venais juste prendre mes clubs de golf, désolé. » Et la fin est, pour le coup, assez proche aussi de la nouvelle, puisque on découvre que Desintox Inc. ne lâche pas les gens, et que même s'ils arrêtent de fumer, il y a d'autres motifs de surveillance, puisque après, il faut ne pas prendre de poids, puisque visiblement, ça fait prendre du poids d'arrêter de fumer. Oui, parce que très souvent, l'ancien fumeur se rabat sur d'autres plaisirs, et l'un des plaisirs les plus courants, c'est quand même la bouffe. Ouais. Et donc tu as tendance à grossir. Là, avec une surveillance très drastique, hein, parce que il a pris, 500 grammes, un truc comme ça. Oui. Et c'est quand même trop, et on lui dit, il va falloir faire très attention, sinon on coupe un doigt à votre femme. Et là, j'aime beaucoup, dans l'adaptation, le fait qu'il est il soit devenu complètement pavlovien. Maintenant, ça le fait rire, tu sais. Oh, on me menace de mort, on menace de mort. Oui, mais parce que je pense qu'à ce moment-là, le personnage le prend, il pense que c'est une blague, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est possible, effectivement. puisque après, donc le segment se termine, il y a un repas avec sa femme et un couple d'amis. Ouais, celui qui lui avait conseillé des intoxiques au départ. Voilà, et il constate que la femme de son ami n'a plus de petits doigts. Et voilà, donc il comprend. Et c'est à ce moment-là qu'il fait une gueule en mode « Ah, c'était pas une blague finalement ». Mais c'est ouais, sur ça que se termine le segment. Un chouette segment. Ouais, vraiment bien maîtrisé, avec un casting convaincant. Bon, ça c'est... Le casting convaincant, globalement, c'est quelque chose qui va revenir sur tous les segments, donc comme ça, on n'a pas besoin de le répéter. Regardez en bas et dites-moi ce que vous voyez. Mais allez-y, penchez-vous. La rue ? Non, là. La corniche ? C'est exact. On pourrait savoir ce que vous manigancez. En fait, ma proposition est extrêmement simple. Le sommet de ce building présente une excroissance architecturale. Bourré de recoins, d'appics où le vent souffle, etc., etc. Moi, je vous offre de parcourir cette corniche tout le long. Je fais ôter la drogue de la voiture, vous héritez de l'argent et de ma troublante moitié. Et vous êtes cinglé. Vous n'avez pas le choix. Mais si vous perdez votre équilibre... Ensuite, nous retrouvons le chat qui arrive en bordure d'une route très fréquentée devant un casino et ça va permettre de nous présenter l'antagoniste du deuxième segment qui aime bien parier avec la vie des autres puisqu'il fait un pari avec un pote sur est-ce que le chat arrivera à traverser la route sans se faire écraser. Ouais. Et effectivement, le chat y parvient. Oui. Et j'ai trouvé ça malin parce que c'est quelque chose qui ne nous est pas montré ça dans la nouvelle. Parce que la nouvelle commence de manière brutale quand le mafieux a déjà Norris avec lui, ouais, dans son penthouse. Donc en fait, on ne sait pas que le mec est accro au pari. Et j'ai trouvé ça malin, justement, dans l'adaptation, de nous le montrer. Et de nous le montrer via le chat. Ouais. Bah, la nouvelle est à la première personne, on l'avait pas précisé, mais elle est donc complètement du point de vue de Norris. Oui, c'est vrai. Donc le chat survit. Le chat survit. Il réussit à traverser la route. Du coup, il est adopté par le mafieux. Ouais. Ça doit être un truc de mafieux depuis James Bond de se balader avec un chat. D'avoir un chat, mais normalement c'est des chats de race. Hein. Donc là. Oui, bah tu prends ce que t'as. Hein. Quand t'es un mafieux d'opérette, tu prends un chat bâtard. Hein. Plus c'est un très joli chat. Oui, par contre, oui, un petit chat tigré très mignon. Et donc après, c'est le début du deuxième segment, même si on voit un peu plus que dans la nouvelle, parce que là, on va voir Norris avec la femme du mafieux à l'aéroport, mais en réalité, il lui fait prendre un bus. Ouais. Et ensuite, alors qu'il doit attendre pour récupérer de l'argent, parce que sinon, ils n'ont pas un sou, il est embarqué par les hommes de main du mafieux. Mmh. Et c'est vrai que toute cette partie-là, on ne l'a pas du tout hein, dans l'adaptation. Non, dans la effectivement. Nouvelle. Dans la nouvelle originale. Tout ce qui se passe à l'aéroport nous est mentionné, mais on ne le voit pas. Mais ça raccorde tout de même assez vite avec l'appartement de Kressner. Ouais. Et globalement, là, on est sur quelque chose de relativement fidèle dans la présentation du défi que va devoir relever le protagoniste. Globalement, je trouve que c'est le segment où la réalisation de Levi Stig a le plus l'occasion de briller, celui-ci. Ouais. C'était déjà très bien dans le premier segment, mais effectivement, ouais. Là... Bah, il filme très très bien l'impression de vertige. La hauteur, il y a plusieurs bonnes idées pour la montrer. Enfin, ouais. C'est vraiment bien mené, je trouve. Oui, effectivement. Vraiment, le seul reproche qu'on pourrait faire à ce segment, c'est... L'effet visuel qui a un peu vieilli de la chute. À un moment, il y a un objet qui tombe dans le vide. Le fond vert est criant, quoi. Tu le vois à 10 000 km. Et pareil pour la chute de quelqu'un d'autre. Et oui. Je trouve... Alors, on va peut-être pas être d'accord, mais je trouve que des fois, le gag-esque est un peu trop présent dans ce segment-là. Ah, pour le coup, ça m'a pas dérangé, parce que je trouve que ça va bien avec Kressner, en fait, de faire des blagues méchantes. Alors moi, c'est vraiment le final, du coup. C'est la chute finale. Le gag final, je l'ai trouvé un peu de trop. Oui, possiblement. Moi, j'avoue qu'il m'a fait rire, mais je peux comprendre. Mais donc, vas-y, reprenons où on en était. Bah pour parler de la chute d'un objet qui effectivement a un peu vieilli, après l'idée est bonne pour bien montrer à quel point c'est haut. Parce que donc en Kressner en fait souffle dans une espèce de klaxon portatif, je sais pas comment ça s'appelle, et après le balance et on voit la chute qui dure une plombe jusqu'à ce que le machin s'écrase au sol. Kressner qui est beaucoup plus présent dans l'adaptation que dans la nouvelle. C'est-à-dire dans la, en fait dans la nouvelle, moi de ce que j'ai compris, l'appartement c'est vraiment uniquement constitué de vitres. Et tu sais, il fait la moitié de l'immeuble, à peu près. Ouais. Donc, Kressner peut le suivre, en fait, jusqu'à ce qu'il atteigne la moitié, et ensuite, on le perd de vue. Alors que là, Kressner est omniprésent, et en fait, t'as l'impression que, limite, son penthouse, il fait tout le tour de l'immeuble, quoi. Il y a un moment, il est sur le toit, aussi. Oui, il y a un moment, il est sur le toit. C'est peut-être parce que son penthouse ne passe pas, mais il a un accès au toit. Mais en effet, il a moyen, en tout cas, d'être toujours présent et donc de toujours mettre la pression, de toujours harceler Norris. Voilà, il dit qu'il triche pas, mais bon, quand même, quoi. Et il a jamais dit qu'il interviendrait pas. Hein. C'est vrai. Techniquement. Après, il y a intervenir. C'est-à-dire quand tu menaces carrément au bout d'un moment avec une lance à pompier, voilà, avec une lance à incendie, d'éjecter l'autre, bon, quand même, tu triches un peu, quoi. Oui, bah, c'est jouer sur les mots après, hein. Faut lire les petits caractères dans le contrat pour savoir. Mais oui, Kressner est beaucoup plus présent ainsi que son homme de main. J'ai trouvé la scène très drôle, le moment où Norris essaye de re-rentrer en passant par une fenêtre. Il tire le rideau et derrière tu vois l'homme de main qui tapote son poing dans une autre main. Oui. Façon les tontons flingueurs. La scène avec le pigeon marche bien. Là, Là, t'as qu'un seul pigeon et t'as vraiment presque l'impression d'une créature un peu démoniaque à la Cujo. C'est le pigeon qui a décidé de faire chier sans raison valable et qui tape toujours pile au même endroit en plus. Surtout que c'est un pigeon, quoi. Il y a rien de plus dégueulasse qu'un pigeon de ville pour le coup, quoi. Ah oui, ça, à mon avis, même s'il est pas mort, je pense qu'il risque de perdre son pied à cause des maladies que lui a refilé le pigeon. Hein. Ah oui, c'est une réflexion qu'il se fait dans la nouvelle écrite, d'ailleurs. Faudra aller consulter après. Ouais, c'est vraiment de la saloperie, ces bestioles-là. L'éjection du pigeon, par contre, qui est un peu similaire à la nouvelle, c'est-à-dire qu'il arrive en un point où il peut se poser un peu, alors c'est pas tout à fait le même endroit, mais du coup, il peut mettre un gros coup de pied dans le pigeon, et je trouve que c'est fait de manière assez drôle. Oui, violence sur les animaux, tout ça, mais le gag m'a fait rire. C'est un gag façon les trois frères. Il y a un peu de ça, ouais. Mais je trouve qu'après avoir vu cette saloperie de pigeon, ça marche. Oui, clairement, on est d'accord. Mais ouais, là aussi, ça rajoute une étape, ça rajoute l'étape où il doit passer par-dessus le logo. C'est un gros moment de tension. L'enseigne lumineuse, ouais. Parce que du coup, il veut pour passer... il s'accroche du coup au logo lumineux, et celui-ci cède. Et donc, il se retrouve vraiment à pendouiller dans le vide avec, au bout du T du logo, je crois que c'est la lettre T qui s'est pété la gueule en partie. Je crois, ouais. Et donc il fait tout son possible pour retourner après sur la corniche en passant par un câble électrique qui pendouille, le câble électrique qui cède. Du coup il se retrouve au bout du câble, dans le vide. C'est vraiment un gros moment de tension. Et ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est aussi le chat qui le regarde de loin et vraiment en mode « Allez, vas-y, tu vas y arriver !» Tu vois, le chat est vraiment bien mis en valeur à ce moment-là. Il est montré comme quelque chose de positif. Oui, bah le chat, globalement, va aider les gens qu'il peut sur le chemin. Hein. Il interviendra même après, quand Norris aura réussi à rejoindre le penthouse, parce que du coup, il y arrive. C'était la dernière étape. Il y retourne. Kressner avait prévu son coup, comme dans la nouvelle. Hein. Sauf que là, c'est beaucoup plus direct. C'est-à-dire que il y a l'argent dans un sac. Il y a Kressner qui est à côté du sac. Il shoot dans le sac en disant « Bah, tu voulais ma femme, tiens, la voilà !» Et puis t'as la tête... La tête de la femme qui dévale les escaliers. Oui, et là, pour le coup, on peut dire que c'est peut-être une rupture de contrat. C'était pas précisé qu'il donnerait que la tête, je pense. Et voilà, effectivement. Là, effectivement, légalement, il y a peut-être quelque chose à tenter. C'est vrai. Pour revenir à la scène avec l'enseigne, moi, ça m'a fait penser à Sly Raccoon, où il y avait, tu sais, le jeu où il y a énormément de passages comme ça, où tu t'accroches à des enseignes qui se décrochent. J'ai eu ça en tête, bref, voilà. Très chouette jeu, enfin très chouette trilogie, enfin même quadrilogie, Sly Raccoon, vu qu'il y avait un épisode sur PS4. J'ai pas fait du coup le 4. est très bon aussi. Voilà, c'est vraiment une très bonne série, Slayer Raccoon. Mais donc, ouais, la fin est plus directe, mais sinon, elle suit le même schéma, c'est-à-dire qu'il va demander à Kressner de monter sur la corniche, sauf que là, on va voir tomber Kressner. Oui, on va le voir tomber. Le chat observant la chute, d'un air satisfait. Il tombe à cause du pigeon, du coup. Oui. Le pigeon qui a sa vengeance. C'est ça, le pigeon qui a sa victoire. Et il tombe sur sa trompette aussi. Voilà, et du coup, c'est ça qui provoque le gag final. Ça fait un pouic, un moment où il tombe. Moi, bon. J'avoue que ça m'a fait rire, mais... Moi, je le trouve un peu trop, mais sans que ça soit forcément dérangeant non plus. Le chat d'hier est revenu à passer la nuit sur ton lit. Non. Oh, que si. Ne me mens pas, j'ai trouvé plein de poils partout. Et toutes tes poupées chamboulées. Ah bon? Je croyais que c'était un rêve. Ah, c'est vrai? Si jamais ça se reproduit, je puis t'affirmer que je l'emporte tout de suite dans un refuge. Oh non, maman, pas ça, je t'en supplie. Ce serait très mal. Et as-tu pensé une seule minute au pauvre Polly? Mais Général aime beaucoup ma perruche. Ils s'entendent bien. Les chats et les oiseaux ne s'entendent pas. On ne parle que de leur querelle dans tes dessins animés. Général ne fera jamais de mal à ma perruche. C'est un chat non violent. Tu crois ça? Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour pouvoir en juger. Il faut que tu le comprennes. En outre, ta maman a eu une longue conversation avec mamie hier soir et elle a bien précisé à ta maman que les chats étouffent les enfants. Mais pourquoi, Général, il me ferait étouffer? Oh, vois-tu, il vaut mieux mettre tous les animaux en dehors de ta chambre la nuit, et tout spécialement les chats, parce que sinon, ils grimpent à pas feutré, ils s'assoient sur ta poitrine et ils te volent ta respiration comme ça. C'est ce qu'on appelle être très coopérant. Trop aimable à toi. Mais pourquoi te lèves-tu? Tu n'as rien mangé? Non, les imitations de ma mère dès le matin ont le pouvoir de me couper tout appétit. Et donc, ça nous permet d'enchaîner avec le troisième segment, puisque le chat va réussir à rejoindre la petite fille qui l'appelle, qui habite dans un autre état. Alors après, je crois qu'elle habite en Caroline du Nord. Ah, il a voyagé quand même, le chat. Ouais. Après, tu sais, tout ce que je sais de la Caroline du Nord, c'est que c'est au nord de la Caroline du Sud, et tout ce que je sais de la Caroline du Sud, c'est que c'est au sud de la Caroline du Nord. Donc, l'un dans l'autre, j'aurais du mal à les placer quand même. C'est déjà que je suis pas bon en géographie française, alors ne me pose pas la question pour la géographie US. Je connaissais quelqu'un qui savait placer tous les états américains, c'était assez impressionnant. Ah ouais? Putain. Ouais. Non mais, en plus, ces cons-là, ils ont des états qui portent des noms de villes, mais les villes sont pas forcément dans l'état en question, oh là là, c'est... Oh ouais, et puis les minuscules états de la région du Maine, là... Justement, vers le Maine, il y a toute une série au nord-est, du coup, d'états qui sont vraiment tout petits. Ouais. C'est un peu l'enfer, ceux-là. Ah, les États-Unis, c'est un peu l'enfer, surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment, ouais. Toujours est-il que donc le chat arrive dans une famille où il y a une petite fille qui le trouve tout de suite très mignon. Et elle a raison, il est très mignon ce chat. Elle a raison. La mère est moins convaincue. Et elle a tort. Et elle a tort. Du coup. Et la petite fille surtout dit que depuis quelques nuits, elle entend gratter au mur de sa chambre comme s'il y avait quelque chose derrière. Oui. Ah oui, parce qu'il faut préciser que l'épisode s'ouvre sur une vue subjective d'une créature bizarre. Alors au début c'est rigolo parce que ça joue sur le fait que ça pourrait être la vue subjective du chat, mais très très vite avec les bruits qui sont provoqués par la POV, on comprend que c'est pas le chat, hein. On comprend que c'est une petite créature démoniaque. Ouais. Mais je trouve ça bien amené en fait. Oui, c'est bien fait. Donc, évidemment, les parents ne croient pas la fillette quand elle dit qu'il y a quelque chose qui veut l'attaquer dans le noir, d'autant que à chaque fois, ça joue aussi sur la possibilité que ce soit le chat, parce que la mère a entendu des légendes urbaines, ou le père, je sais plus, des légendes urbaines sur le fait qu'il y a des chats qui peuvent étouffer les enfants en s'asseyant trop près d'eux, ou sur leur visage, trop près de leur visage, c'est un truc comme ça, non? Ouais, mais ça, c'est le père qui se fout de la gueule de la mère. Ah justement. Oui. Il se fout de la gueule de la mamie. Mais je crois que c'est une vraie légende urbaine, en plus, cette histoire. Oui, que les chats étouffent les enfants en se foutant dessus. Effectivement. Du coup, oui, bah, c'est quelque chose sur lequel tu te doutes, vu qu'on attendait un enfant il y a peu. On s'était, enfin moi en tout cas, je m'étais un peu renseigné sur ça. Effectivement, c'est une énorme légende urbaine. C'est pas du tout vrai. Après, oui, vous, faut se méfier parce que je pense qu'il y a au moins un de vos chats qui est plus lourd que l'enfant et qu'il restera jusqu'à ce qu'elle ait genre 15 ans. Donc 15 ans, peut-être pas. Mais oui. Tu parles. Il l'approche même pas. Ah ouais. Bah, ils la regardent de loin. Ils sont curieux, mais. Ah, aucun des quatre n'approche. Ça leur fait plus peur qu'autre chose, quoi. Ouais, en même temps, une toute petite enfant, faut mieux se méfier. C'est vrai que ça peut être un peu agressif, des fois, sans faire gaffe. Bah oui, tu sais, ça met des coups de pied dans le vide et tout. Oui, voilà. Quand ils voient ça, ils font que c'est que ça. Il vaut mieux attendre une trêve. Voilà. Ils s'approchent quand on l'a avec nous, tu sais, dans les bras. Mm. Mais pas quand elle est sur son tapis par terre. Tout est sous contrôle. C'est ça. Mais bon, on peut y aller. Ah, par contre, pour essayer de choper les hochets, là, il y a du monde. Hein. Saloperie. Mais donc, il va y avoir différentes étapes où le chat va confronter l'espèce de petit lutin qui est plus ou moins un lutin de légende. Hein, donc tout petit, oui. Tout méchant, avec une petite épée. Oui, et avec un petit bonnet avec des grelots. Ouais. C'est vraiment effectivement le lutin que tu peux trouver dans les légendes d'antan, quoi. Et effectivement, les premiers dégâts que va faire le lutin auraient tout à fait pu être faits par le chat, notamment quand il tue la perruche, enfin le petit oiseau de la gamine. Oui, effectivement, c'est un truc qu'un chat peut faire, d'autant que juste avant, la mère l'a vu zigouiller un oiseau dans le jardin. Oui. Pile au moment où la gamine venait dire « Oh, mais c'est un chat non violent !» Oui. Un chat non violent mon œil. Ouais, c'est ça. Et attends, ils vont pas nous faire chier, ils vont pas devenir vegan le chat, c'est bon. Hein. Peu à peu, alors que le chat se bat pour la petite et que la gamine le voit se battre, la mère surtout va se persuader que le chat en fait est dangereux et a tué l'oiseau et va vouloir le faire amener va même l'amener à la fourrière. Oui, mais bon. C'est pas ça qui va suffire. Hein. Ouais. Fourrière très expéditive, hein, d'ailleurs. Les animaux, ils sont amenés, le lendemain, hop, ils sont tués. Hein. C'est... Oui, c'est vrai que ça va vite. Ils ont vraiment pas de temps à perdre, hein. Y a un gros turnover. Bon, heureusement qu'on n'est pas tombé sur le plus abruti des chats. Ouais. Dès que quelqu'un arrive et ouvre la porte pour le nourrir, hop, il en profite, il se barre. Avec là, effectivement, une temporalité bizarre parce que le lutin est déjà dans la chambre au moment où il s'échappe et le chat a tout le chemin à faire. Bon, après, la fourrière était peut-être juste à côté de la maison, mais quand même. Oui. Il va très très vite, ce chat. On va dire que c'était à côté. Ou on va dire qu'il a été pris en stop. Il y avait le chabus qui passait par là. Voilà, c'est ça. Et donc, il parvient à triompher du lutin dans un combat fort chouette. Hein. Les effets spéciaux dans cette séquence, ouais. Je les trouve plutôt cool. Ouais. Déjà, le lutin est vraiment bien fait. Oui. Son design est très réussi. Oui, assez atypique par rapport à ce qu'on attend d'un lutin. Ça fait vraiment lutin de vieille légende et pas les lutins tels qu'on les a en tête de manière plus contemporaine. Mais vraiment, l'animation du lutin et surtout l'animation faciale, vraiment, c'est très très bien fait. Je pense qu'une grosse partie du budget du film est passée dans la créature. Ouais, il y a moyen, ouais. Et puis cette manière d'expédier le lutin, c'est tellement violent. Oui, oui, dans dans l'espèce de chauffage qu'il l'expédie, c'est ça. Non, c'est un ventilateur. C'est un ventilateur, pardon. T'as un moment dans le combat, le lutin essaye de partir en agrippant des ballons. Bon, ça foire. Du coup, il atterrit sur un tourne-disque. Le chat actionne le tourne-disque. C'est quand même un chat très malin. Qui diffuse une chanson de The Police, d'ailleurs. Oui, qui était utilisée déjà dans le premier segment. Oui. Le chat... Chanson dont je suis pas fan, mais j'aime pas trop The Police. Mais bon. La gamine dit au chat de faire tourner plus vite le disque. Le chat s'exécute, hein. C'est vraiment un chat très malin. Il sait comment fonctionnent les tourne-disques. Et ça tourne tellement vite que du coup, ça expédie le lutin droit dans un ventilo et bah, il finit en miettes, quoi. C'est tellement violent comme manière de finir. Oui, oui, il y a un petit côté un peu gore, inattendu. Alors après, gore gentil, hein, encore une fois, ça s'adresse à un public relativement jeune. Surtout ce segment, qui est probablement le plus enfantin des trois. Oui, c'est des gerbes de sang, et puis c'est tout, quoi. Ouais, il y a un petit côté un peu production en blinde de l'époque, quoi. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, un chouette segment. Hein. Ouais, tout est bien qui finit bien. Le chat va pouvoir vivre heureux avec la famille, devine-t-on. Alors, la fin joue un peu. Tu sais, quand tu vois, quand tu revois la gamine qui dort, et là, le chat monte sur le lit et il s'approche d'elle. Et là, tu te dis, attends, ils vont quand même pas nous faire le coup comme quoi, en fait, finalement, les chats, si, volent bien la vie des enfants, quand même. Et je trouve que ça joue sur ça. Et au final, non, tu vois que le chat juste... Oui, c'est drôle de jouer dessus, ouais. Le chat fait juste une papouille, finalement, à la gamine, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est marrant, parce que ça joue vraiment sur ça. Tu te dis, mais attends, est-ce que le film va terminer sur un bad ending ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non. Mais c'est tellement bien amené que t'y crois. Donc, effectivement, ça finit bien, et on aura passé un plutôt bon moment devant le film. Ouais, clairement. Je pense qu'on a fait le tour, si ce n'est à la limite que je trouve vraiment ça très malin, la manière de relier tous les segments avec le chat. Oui, moi, je trouve que c'est bien mené. Hein. J'aurais bien aimé voir à quoi ressemble le prologue qui a été coupé. Oui, l'introduction. Visiblement, il n'est pas dans les différentes éditions Blu-ray, mais... En tout cas, elle n'est pas dans la mienne. Elle n'est pas dans la mienne. J'ai pas de scène coupée, donc voilà. Mais c'est pas souvent, finalement, qu'il y a des fils rouges comme ça qui relient de manière intelligente tous les segments. Très souvent, les fils rouges les plus intelligents qu'on va avoir, c'est la personne à qui on va raconter des histoires, et en fait, les histoires sont les segments. Oui, c'est ça. Typiquement, ce qu'on a eu dans le premier Creepshow, il me semble que c'est ça, le fil rouge de Creepshow. Si, c'est le gamin qui lit les BD, oui. Oui, c'est le gamin qui lit les BD. Oui. Ou alors, c'est pas dans le second, le gamin kidnappé, là ? Non, le gamin kidnappé, c'est dans Darkseid, les contes d'Animar. Ah oui, Darkseid, voilà. Mais voilà, très souvent, c'est quelqu'un qui raconte des histoires autour d'un feu, ou voilà, quelque part. Et ou alors, c'est Christopher Lloyd en tenue SM, dans certains cas. Oui. Alors que là, c'est vraiment, en fait, ce sont trois histoires qui se passent en parallèle dans le même univers. C'est juste que le chat, bah, il fait son parcours et il assiste à ces trois histoires. Quoi. Oui, c'est ça. Il y en a deux qu'il ne fait que traverser, mais ça trouve moyen de lui donner un petit rôle quand même dans chacune des trois. C'est plutôt cool, effectivement. Voilà. C'est le dernier point sur lequel je voulais insister. Je trouve que le fil rouge est très malin et plutôt bien amené. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à une petite scène. Ah oui, allons-y. Très bien, nous avons choisi une scène tirée du milieu de la nouvelle quand Norris est déjà sur la corniche et qu'il va affronter son plus terrible adversaire, un pigeon. Tellement bien annoncé. Bien, nous sommes donc pour l'édition Le Livre de Poche, de Danse Macabre, qui est traduite par Loris Mureil et Nathalie Zimmermann, et je suis donc à la page 332. Je me trouvais maintenant sur le flanc de l'immeuble. Sur la droite, seules les plus hautes tours de la ville me dominaient. Sur la gauche, je n'apercevais que le cercle sombre du lac et les petits points de lumière qui flottaient à sa surface. Le vent mugissait. Je contournais l'arête suivante avec beaucoup moins de difficulté. C'est alors que j'éprouvais un violent pincement. Je sursautais, laissant échapper un cri. Déséquilibré, je fus pris de terreur et vivement me collai contre le mur. Un second pincement. Non, c'était plutôt un coup de bec. Je baissai les yeux. Un pigeon s'était perché sur la corniche et, dans mon désarroi, j'eus l'impression qu'il me fusillait du regard. Les villes regorgent de pigeons. Ils y sont aussi nombreux que les chauffeurs de taxi qui n'ont pas la monnaie sur un billet de 10 dollars. Ils répugnent à voler et ne vous abandonnent le trottoir qu'avec la mauvaise grâce d'une bande de squatteurs. Oh, certainement, vous avez déjà trouvé leur carte de visite sur le capot de votre voiture, mais, en général, vous n'y prêtez guère attention. Ils vous agacent parfois, mais, après tout, ne sont que de passage dans votre monde. À présent, je me trouvais terriblement vulnérable, sur son territoire, et on eût dit qu'il en était conscient. Il attaqua de nouveau ma cheville, torturé, et un fulgurant trait de douleur remonta ma jambe droite. « Va-t'en » grognai-je. « Laisse-moi tranquille !» En guise de réponse, le pigeon revint à la charge. De toute évidence, j'avais violé son domicile. Cette partie de la corniche était couverte de fientes. Un piaillement étouffé se fit entendre au-dessus de ma tête. Je me tordis le cou autant qu'il m'était possible, et levai les yeux. Un bec surgit à quelques centimètres de mon visage, et je faillis reculer. Un pas arrière, et les pigeons de l'agglomération auraient pu se vanter d'avoir fait leur première victime. Perché avec eux sous l'avancée du toit, maman pigeon protégeait sa nichée de pigeonneaux. J'étais, Dieu merci, hors d'atteinte. Papa s'acharnait sur ma cheville, maintenant couverte de sang. Je repris ma progression, espérant qu'effrayé le volatile s'enfuirait. Rien à faire. Les pigeons de la ville en ont vu d'autres. L'oiseau reculait au fur et à mesure que j'avançais. Ses yeux brillants ne quittaient mon visage que lorsque son bec acéré attaquait ma cheville. La douleur s'intensifiait. Le pigeon m'arrachait des lambeaux de chair. Puis, je suppose, les mangeait. Je ripostais d'un misérable coup de pied. C'était tout ce que je pouvais me permettre. Le pigeon se contenta de battre des ailes, puis m'agressa une nouvelle fois. Et, si l'un des deux se sentit prêt de s'envoler, ce fut moi. Même en méditant le sujet pendant 10 ans, Kressner aurait pu concevoir pire torture. Un coup de bec, ce n'était rien. 2 ou 3, cela aurait été supportable. Mais cette satanée bestiole avait dû m'en flanquer une bonne 60 quand je parvins enfin au balcon de l'autre appartement de l'étage, sur la façade opposée de l'immeuble. J'eus l'impression d'avoir atteint les portes du paradis. Mes mains étreignirent les froides barres de métal, les agrippant comme si elles risquaient de s'échapper. Coup de bec. Le pigeon me fixait de ses yeux brillants avec un air presque suffisant, sûr de mon impuissance et de sa propre invulnérabilité. Cela me rappela l'expression qu'avait eue Kressner quand il m'avait accompagné jusqu'à son balcon. Crispant les mains sur la balustrade, je lui décochai un violent coup de pied qui le frappa de plein fouet. Le pigeon émit un piaillement, des plus réconfortants, et s'éleva dans les airs en battant des ailes. Quelques plumes grises se posèrent sur la corniche, d'autres disparurent dans l'obscurité, en décrivant de lentes arabesques. À bout de souffle, je me hissai sur le balcon et m'écroulai sur place. Malgré le froid, mon corps ruisselait de sueur. Je ne saurais dire combien de temps je restais là, attendant que mes forces reviennent. Je ne voyais plus la pendule de la banque et ne portais jamais de montre. C'est rigolo, je constate une nouvelle fois que mon édition J'ai lu de Danse Macabre, il y a des phrases coupées régulièrement. Ah, j'avais déjà constaté sur une autre fois. Je me prendrai peut-être la nouvelle traduction quand elle arrivera en poche. Comme quoi, t'as quoi comme phrase coupée ? Il y en a un peu partout, en réalité. C'est à la moitié des paragraphes, il manquait un ou deux mots, une petite phrase. Ouais, il doit en manquer une quinzaine au total sur tout ce que t'as lu. D'accord. Mais disposé un peu partout, c'est pas des gros paragraphes d'un coup. Pourquoi ils font ça, quoi ? Je sais pas, pour gagner de la place, bien sûr. Enfin, je pense, mais... Ouais. Ok. Très bien, et maintenant, la même scène dans Katsai. Pars-toi ! Tire-toi ! Sacré ! Dégage ! Arrête ça tout de suite. Pousse-toi. Voilà, donc une bonne adaptation de la scène, qui dans les deux cas joue bien sur la parano que développe le personnage, où il se met à associer le pigeon et Kressner en se disant limite que le pigeon est un envoyé de Kressner. Oui, tout comme il l'avait fait pour le vent un peu plus tôt. Ouais, il sait que c'est faux, bien sûr, mais il y a une telle panique, une telle parano qui se développe qu'il peut pas s'en empêcher. C'est ça. Mais oui, je trouve que dans l'adaptation, on a encore plus l'impression que c'est un pigeon démoniaque qui agresse volontairement en tapant toujours au même endroit, que le pigeon lui veut du mal littéralement et pas juste qu'il défend son territoire. Oui, voilà, c'est ça. Les deux scènes sont vraiment réussies, autant que ça soit dans l'adaptation ou dans la nouvelle écrite. Dans l'adaptation, tout ce qui manque, du coup, c'est le nid de pigeonneau, quoi, c'est tout. Oui, voilà, ce qui fait plus pigeon surgit de nulle part. Voilà, et sinon la scène est très fidèle, mis à part, elle semble un peu plus gore et graphique dans l'écrit. Mais voilà, c'est pas non plus une perte... Non, c'est pas une perte énorme, dramatique. Il y a quand même l'essentiel, ouais. Voilà. Je me demande comment on dresse un pigeon. Très bonne question. Et oui, les effets de vertige, les effets de hauteur sont vraiment bien faits tout le long, donc on se rend bien compte que s'il tombe... C'est bien la fin. Ah oui, une fois, à ce oui, niveau-là, c'est un segment très réussi. C'est capoute. Il y a un moment très rigolo, d'ailleurs, aussi, dans la nouvelle, où Kressner laisse tomber une pomme après qu'il ait croqué dedans. Oui. Et on nous fait comprendre qu'on attend quelques minutes avant d'entendre un tout petit splosh. C'est peut-être pour ça que le chat agresse un oiseau dans le jardin, dans le dernier segment. C'est pour se venger du pigeon. Tout est lié. Incroyable. Bon, bah, je suppose qu'on va pouvoir passer au classement. Ah bah oui. Du coup, l'heure du classement. Comme d'habitude, je vais m'occuper du classement des écrits, donc romans et nouvelles, tandis que mon camarade Issam va s'occuper des adaptations, donc films et épisodes de séries télé et diverses petites choses. Les 5 premiers de notre classement écrit, qui pour le moment compte 62 écrits, les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lycée. Un top 5 qui n'a pas changé depuis un petit moment, déjà. Ouais, depuis Histoire de lycée, en fait, c'est la plus c'est récente ça. Entrée. Tandis que le flop 5 commence à la 58e place avec L'année du loup-garou, Dr Sleep, le 5e quart, Grand chauffeur et Les Tommy Knockers. Où placer la corniche? Pour le fun, regardons où est placé Desintox Inc., donc autre nouvelle qui est adaptée dans Cat Size. Je vois que Desintox Inc. est placé à la 29e place. Et finalement, ces deux nouvelles que j'apprécie tout autant l'une et l'autre, que j'aurais même tendance à mettre à un petit peu à ex-aequo. Je ne sais pas toi. Oui, parce qu'elles ont des tons très similaires, effectivement. Je les mettrais, ouais. Plutôt avec Zeko, avec une nette préférence tout de même pour Desintox Inc. Elle est vraiment drôle, Desintox Inc, et j'aime beaucoup l'idée, cette espèce de parodie des centres anti-tabac. Bah voilà, je la trouve bien plus originale finalement que la corniche. Ouais. Mais pour moi, du coup, Desintox Inc, 28e, et la corniche prendrait la 29e place. Attends, parce que moi elle est 29e, Desintox Inc. La corniche prendrait la 29e place et Desintox Inc deviendrait 28e. Bah non, du coup, la corniche prend la 30e. Ah oui, pardon, qu'est-ce que je raconte. 97 épisodes, on découvre comment fonctionne un classement. Ah, vous savez, c'est compliqué avec un bébé à la maison. C'est ça. Et la fatigue. Quand faudra lui apprendre à compter, il va falloir faire un peu plus attention tout de même. Ah, je lui ferai écouter le vidéo club de Castle Rock. Oui, elle saura quoi lire au moins. Voilà. Et donc, le classement des films avec 97 œuvres classées pour le moment avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et ça aussi ça n'a pas bougé depuis une éternité. Ah oui. Et aux 5 dernières, Children of the Corn, Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Mon Roman et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Et on a beau avoir vu beaucoup de merde dernièrement, ça n'a pas tellement bougé le flop 5 non plus. Ah oui, bah oui, sachez que changer les couches de ma fille est plus agréable que regarder Room 237. Sachez-le. Je veux bien te croire. Déjà parce que ça dure moins longtemps. Ah, et puisque l'odeur des conspirationnistes sera toujours plus violente qu'une odeur de oui, couche. Oui, c'est ça. Une couche, c'est plus innocent, au final. Voilà. En plus, on peut la garder, la balancer sur des flics. Enfin, on peut toujours s'en servir. Ou sur des conspirationnistes. Ou sur des conspirationnistes. C'est peut-être souvent les deux, les mêmes. Hein. Trouvons l'adresse de Rodney Asher et envoyons-lui. On va avoir des articles, des fans de Stephen King harcèlent un réalisateur. Donc, où est-ce qu'on va classer Cat's Eye? Bah, déjà, Pour moi, je regarde là, par exemple, je suis sur un autre film massivement qu'on avait fait il y a un bon moment, Quicksilver Highway, et pour moi, Cat's Eye est plutôt mieux que Quicksilver Highway. Alors, où est Quicksilver Highway ? À la 26e place. Oui, et puis il est aussi mieux que Darkseid, qui est un autre film massivement. Que Darkseid, oui, j'avais pas vu qu'il y avait Darkseid juste au-dessus, effectivement. Même si Darkseid était vraiment cool, notamment son segment adapté de Conan Doyle. Oui. C'est même mieux que Running Man et que la créature du cimetière, pour moi. Ouais. Peut-être pas que ça les ailes de la nuit, par contre. Ouais, ça commence à être un peu ex-aequo, là. Les ailes de la nuit, il a quand même le vampire qui est très bien et l'interprétation qui est chouette. Hein. Ouais. Et quelques scènes aussi, les petites scènes oniriques ou les scènes en noir et blanc qui sont vraiment chouettes. Oui, et puis la manière dont le vampire déchiquette ses victimes, on avait trouvé ça intéressant aussi. Ouais. Moi, ça fait partie de ces genres de films où j'aimerais bien une ressortie physique en meilleure qualité que ce qui n'existe déjà, quoi. Je suis assez d'accord pour Les Ailes de la Nuit, ouais, ça mériterait mieux. Mais donc, écoute, ça me va. On peut peut-être juste dire entre Les Ailes de la Nuit et La Créature du Cimetière. Oui, voilà, c'est ça. Ça me va. Voilà, donc Cat's Eye de Lewis Teague prend la 23e place, donc c'est plutôt bien classé et où on vous conseille tout à fait de le voir, vous passerez un très agréable moment. Là, pour moi, on est à la frontière entre les bons films et les films moyens. Oui, on reste sur les bons films avec des défauts, pas parfaits, mais voilà. Ça reste vraiment intéressant. Nous nous retrouverons donc dans 2 semaines et ce sera pour parler de Des Enfants du Diable, c'est-à-dire Vengeance Diabolique 2. Vengeance Diabolique était adaptée de la nouvelle Court Jimmy Court. C'est Sometimes They Come Back en VO. On se retrouve dans 2 semaines pour ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Cinéma Archiviste sur Blue Sky pour toi et Chris, tiré du 6, The Lost Tales pour moi. Enfin, Lost Tales seulement pour moi sur Blue Sky. On n'est plus du tout ni toi ni moi sur Twitter, c'est fini. Toi, il aura fallu attendre un peu de temps quand même. Oui, bon, c'est le fait de voir qu'il n'y avait plus personne. Bah, le salut nazi, il n'y avait plus que des bottes de choux qui réagissaient de toute façon à mes trucs, donc bon. Au bout d'un moment, ciao, au revoir. Donc, plus que Blue Sky. On pourra mettre le lien de nos Letterboxd au fond, pourquoi pas. Oui, il faudra qu'on fasse ça, oui. Le mien commence à être assez rempli. Moi, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch. Toi, c'est plus rare, mais des fois, ta chaîne renaîtra peut-être, ne serait-ce que pour l'émission ciné. Oui, déjà. Et sur YouTube, avec la chaîne L'Archiviste du Cinéma, j'ai les prochaines vidéos qui sont écrites, que je dois tourner, monter, etc. Voilà, c'est surtout ciné asiatique. Cet épisode sortira le 19, donc a priori, ce sera quelques jours avant l'enregistrement du nouveau numéro de notre émission Twitch. Ah oui. Qui sera le 22 si tout se passe bien. Oui, donc, qui elle aussi a connu un petit hiatus. Ouais. Donc ciné généraliste avec à chaque fois un dossier. Est-ce que tu veux parler déjà du sujet de ton dossier ? Oui, bon, je vais le dire. Alors c'est pas vraiment un thème uni comme les fois précédentes. C'est plus que on constate tous les deux qu'on connaît beaucoup plus de réalisateurs que de réalisatrices. Donc pour le prochain dossier, j'ai décidé de découvrir 12 réalisatrices. Voilà, le chiffre est choisi un peu au hasard. Et donc ce seront 12 films qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport les uns avec les autres, voire pas du tout, mais juste pour essayer de découvrir un peu plus de femmes dans derrière le cinéma. La caméra. Derrière la caméra, voilà. Donc il y aura des réalisatrices qui ont fait toute leur carrière, il y en a même une qui est morte, et des toutes récentes qui n'ont fait qu'un film ou deux pour le moment, qui ont donc toute une carrière devant elles avec un peu de chance. Donc voilà, j'espère que vous assisterez à ça, il y aura aussi des news, etc., etc. J'espère que tout ça vous plaira. Ah oui, on espère. On se retrouve dans 2 semaines pour Les Enfants du Diable, et en attendant, n'oubliez pas... que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Ouais, il serait temps qu'on s'accorde un jour de repos. Ouais, c'est ça, 6 jours sur 7, c'est bon, maintenant on prend le dimanche.